Chapitre 8e, dans le brouillard. Informé des dernières avancées de l'enquête, le juge a soudain retrouvé l'ardeur de ses 30 ans. Il me faut un rapport sur ce type de pneu le plus tôt possible. Sur quel véhicule il peut être monté tout le toutime? Vous comprenez, Volpi? On a un pneu et une peinture. Remuez-vous, mon petit, me dit le juge d'un air enjoué. J'aime bien qu'il m'appelle affectueusement mon petit. Je sais que ce n'est pas pour me rabaisser qu'il emploie ce qualificatif. D'emblée, j'ai senti chez cet homme proche de la retraite un humanisme et un scepticisme de bon aloi. « Mon petit, tu parles. » Je me souviens que c'est ainsi que me nommait ma grand-mère pour laquelle je garde une vénération fidèle. Comme je me sentais bien quand je la retrouvais au sortir de l'école. « Mon petit, quelle douceur, après les Volpissotières, Volpinocchio et autres colibets que me valait mon nom. Ah, comme j'aurais voulu m'appeler Jean Durand à cette époque. » Plus tard, au lycée, dès la 3e, j'ai fait de mon nom un prétexte à provocation. Volpi, je disais, c'est italien. Mais ce que tu vas prendre à la gueule, c'est bien français. Et bien sûr, je joignais le geste à la parole. Plus tard encore, à l'armée, mon nom me servait de filtre par lequel je jaugeais les autres. Ceux qui ne se moquaient pas de mon nom pouvaient devenir mes amis. Les autres, je les avais catalogués et tôt ou tard, je leur réservais une petite vacherie. Mon principal défaut, c'est d'être vindicatif et corollaire, ma principale qualité, c'est une très bonne mémoire. Ce banc entre dans le bureau, les Ray-Ban sur le front, comme d'hab. Commissaire, voici le dernier rapport sur le pneu. Écoutez bien. D'abord, ce pneu n'est plus distribué, ce qui veut dire qu'on ne peut pas le trouver neuf chez un marchand. Il est donc monté sur un véhicule ancien ou alors il a été acheté dans une casse. En tout cas, c'est un pneu en bon état. Il peut être monté sur un engin agricole ou un véhicule de l'armée. Et pour la peinture? Ce n'est pas de la peinture, en fait, c'est de l'après. Après? Après quoi? Je ne comprends rien. De l'après, dit ce bon en me l'écrivant sur un buvard. C'est ce qu'on passe sur une carrosserie avant de mettre la peinture définitive. On prépare la tôle pour la protéger de la rouille et pour que la peinture accroche bien. Ah! On voit bien que vous êtes un intello, commissaire. Nul n'est parfait. C'est en fait une sous-couche dont tu veux parler. Brave type, ce banc, mais aussi aimable qu'une sœur tourière. Je veux lui lancer une petite pique vengeresse. Tu n'as pas mis la chemise en rideau de cuisine aujourd'hui? Une fois dans le bureau d'à côté, je suis sûr que ce banc a dû me faire un doigt d'honneur. Le juge est au courant? Je demande à voix forte. Ouais, on lui a envoyé le double. Bon, il va falloir que j'aille le voir. Attendez, ce n'est pas fini, déclare ce banc revenant dans le bureau. La balle qui a été tirée provient d'un MAS 50 calibre 9 mm. Si ça se trouve, c'est une arme de chez nous. Tu plaisantes, là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'interroge d'une voix blanche. Ben, qu'elle provient de l'armée ou de la police? Guelmard avait peut-être un compte à régler avec un flic ou un militaire, qui sait? Si, qu'il osa, je réponds, en faisant un gros effort d'impassibilité. Je réfléchis avant de passer voir le juge. On connaît maintenant pas mal de choses sur le véhicule du tueur. Il va falloir lancer vite fait un appel à témoins pour essayer de dissiper un peu le brouillard. On a également identifié les traces d'huile de vidange qui prouvent qu'un engin dont la mécanique fuyait s'est arrêté là. Mais tout ceci reste vague et ne nourrit pas réellement l'enquête. De toute façon, juste avant le virage, sur cette aire de stationnement s'arrêtent souvent des chasseurs ou des chercheurs de champignons. J'ai hâte de rendre compte à Cassard. Il faut que je me rende compte à quelle conclusion parvient le juge et comment il compte orienter l'enquête. Par ailleurs, j'ai besoin de jauger les réactions de quelqu'un extérieur à l'affaire, sans implication avec la victime. L'annonce de la promenade de l'arme me plonge un peu plus dans l'angoisse. J'ai l'impression de vivre un double cauchemar. Serait-il possible que j'aie... Lorsque j'entre dans le bureau du juge, ce dernier est plongé dans une masse de papiers. Je toussote et Cassard se fend de larges sourires en me voyant. « Alors, Volpi, qu'est-ce que vous pensez du rapport des labos ?»« Ben, on peut maintenant chercher un véhicule avec quelques indices. »« Pourquoi l'assassin a-t-il enlevé les plaques de la Simca et fait disparaître tous les papiers ?»« Peut-être pour ralentir l'enquête éventuelle. Ça lui a fait gagner quelque temps. »« Oui, d'accord, mais ça paraît gros quand même. »« L'assassin savait certainement que la voiture appartenait à Guelmard. » De toute façon, on a bien fini par découvrir l'identité du mort. Allez savoir ce qui se passe dans la tête d'un assassin. Je sais bien, Volpi. Mais on est quand même dans la mouise, si vous me permettez. et si l'assassin avait été pris par le temps, ou obligé de se débarrasser vite fait de son cadavre. Supposons, il l'a tué, il entend venir des voitures, il s'affole, il pousse la bagnole dans le ravin. Non. Je pense que s'il s'était affolé, ou s'il avait manqué de temps, il aurait pris la fuite après le premier choc. Et n'oublie pas que pour pousser la voiture, il a dû le faire avec son propre véhicule. C'était le soir. Sur cette route, il passe une voiture tous les quarts d'heure. Il a pu disposer du temps nécessaire pour tuer sa victime sur la route et puis pousser la voiture, ou faire l'inverse. Ouais, c'est-à-dire pousser la voiture dans le ravin et descendre tuer le mec. Eh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Trouver, merde. Quant à l'arme du crime, on devrait pouvoir l'identifier assez rapidement. Ça y est, le voilà qui s'en cagne. Mais dans le fond, je préfère. J'ai horreur des mecs froids et impavides qui vous prennent par derrière sans un mot. Certes, monsieur le juge, mais vous savez que le MAS est un modèle qui a été distribué à des milliers d'exemplaires dans l'armée et dans la police. Qu'importe. Je suis sûr qu'ils finiront par trouver une piste. J'ai l'habitude, je leur fais confiance. Mais oui, bien sûr qu'on va trouver mon pépère et que moi je vais l'avoir dans le baba, comme de juste. Voilà la conclusion à laquelle j'aboutis. Je me demande si je ne vais pas vomir tellement je me sens mal. Volpi, ça ne va pas, vous ne dites rien. Non, ce n'est pas grave. J'ai dû digérer un truc de travers. Le juge est perdu dans ses réflexions et continue son monologue. Ils étaient certainement deux. Un qui s'est occupé de tuer Guelmard et l'autre qui s'est chargé de la voiture. C'est plausible, Volpi. Ça met moins de temps. Il ne faut pas que le juge se doute que je suis complètement ailleurs. Je dois donner le change et lance une hypothèse farfelue pour égarer la conversation. Si c'était un couple, le mari se charge du mort et l'épouse se débarrasse de la voiture, ou l'inverse. Oui. En tout cas, les interrogatoires des parents n'ont rien donné, n'est-ce pas? Non, rien, en effet. Bon. Eh bien, écoutez, il faut espérer que l'appel à témoins donnera quelque chose. En attendant, il faudrait continuer à fouiller le passé de ce Guelmard. Il est possible, après tout, que son assassinat n'a rien à voir avec l'accident de Barcelo. Il avait peut-être des comptes à régler avec le milieu ou l'armée, qui sait. Quel osa, je murmure pour moi-même, à la torture. Et cette condamnation, l'Algérie? Là, je ne réponds pas. Commissaire, vous ne m'écoutez pas, me reproche Cassard. Vous êtes avec moi ou vous occupez d'autre chose? Non, non. Ah oui, je fais surpris. La condamnation. Il a été condamné pour coups et blessures et tentative d'assassinat. Il a été radié de l'armée. Il fallait bien que je lâche le morceau. Ah, il était engagé? Oui, il était sergent. Il a fait 6 mois de tôle et l'armée l'a viré. J'ai l'impression que le piège se referme de plus en plus sur moi.